C'est la vida loca. Une ambiance ne pas louper. Mes gars sont locaux. Travaille sans avocat. C'est la vida loca. Y'a que des gros papotas. Mes gars sont locaux. Pas là pour papoter. C'est écrit sur le testament. Ego, tu nous testes. T'es mort. NASA, nique tous. Mais toi, où était du tout ce temps? On la vend, vend, vend, vend. Toi, tu la snipes pas ta. On la vend, vend, vend, vend. Toi, tu la snipes pas ta. Merde. Ce soir, ça sent le dégât, putain de merde. Ce soir, y'a pas débat, putain de merde. Ce soir, ça sent le dégât, putain de merde. Ah.